الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et la fin heureuse est destinée aux croyants. Et il n'y aura pas d'hostilité ni de reproche, sauf pour les injustes. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. من توكل عليه كفاه ومن أقرضه أعطاه ومن فوض الأمر إليه هداه ومن اعتصم به نجاه. Quiconque place sa confiance en lui, Allah lui suffit. Et quiconque lui prête de bonne grâce, Allah lui grandera. Quiconque lui confie son sort, Allah le guidera. Et quiconque s'accroche à Allah, Allah le sauvera. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah. ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. Et je témoigne que notre prophète Mohammed a son serviteur et son messager. Il a transmis le message qui lui fut confié. Il fut loyal envers ses engagements. Et il prodigua de sages conseils à la communauté. Et Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient. Les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. والله بقلهم bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, à tous ses compagnons, à ses bien-aimés, et à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. مراحل الدار الآخرة, étape vers la demeure dernière. Une série au cours de laquelle nous décrivons les événements que rencontre le serviteur, dans la demeure intermédiaire ainsi que dans la demeure dernière, étape par étape. Et ceci est certes notre 18e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série, et nous avions certes évoqué lors de notre dernier discours, la troisième cause du châtiment de la tombe, à savoir az-zina, la fornication. Nous avions ainsi exposé par la grâce d'Allah Jalla wa Ala et son soutien, que le fait de jouir de ce qui est interdit possédait de graves conséquences, et ce, dans le monde d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà, et que certes les fruits des turpitudes étaient amers. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous avons rendez-vous avec la quatrième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe. As-sababu rabi' min asbab 'adhab al-qabr. Une cause encore une fois évoquée dans un long hadith, le long hadith de Samurat ibn Jundub radiallahu anhu, un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique, dans le livre des funérailles Kitab al-Janaiz, et dans le livre de la description Kitab al-Tarbir, dans lequel nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous poursuivîmes notre marche, c'est-à-dire avec Jibril ou Mikaïl. Nous poursuivîmes notre marche, et c'est alors que nous arrivâmes près d'un fleuve de sang. Un fleuve de sang. Nous trouvâmes alors un homme au milieu de ce fleuve de sang, et un autre homme sur la rive, ayant devant lui un tas de pierres. L'homme au milieu du fleuve de sang nageait jusqu'à la rive. Et une fois arrivé à proximité de l'autre homme, il lui ouvrait sa bouche. C'est alors que l'homme sur la rive lui jetait des pierres dans sa bouche, et ce, jusqu'à ce qu'il reprenne sa place au milieu de ce fleuve. Puis il retournait une deuxième fois, la bouche ouverte, et l'autre lui jetait à nouveau des pierres, et ainsi de suite, jusqu'au jour du jugement dernier. Et alors je demandai, qu'est-ce que cela? Et ils me répondirent, intaliq, intaliq, poursuis ton chemin, poursuis ton chemin. Jusqu'à la fin du hadith où ils lui dirent à propos de l'homme au milieu du fleuve de sang, cet homme représentait les gens qui vivaient de l'usure. L'usure, mes chers frères et sœurs, est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Et pourquoi cela? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aperçu un homme en train de nager dans ce fleuve de sang et d'impureté. Et chaque fois qu'il désirait en sortir, il se trouvait en face d'un homme dans la rive de ce fleuve, possédant un tas de pierres devant lui, qui lui jetait ses pierres dans sa bouche, jusqu'à ce qu'il retourne au milieu de ce fleuve, et ainsi de suite. Et lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à ses compagnons au sujet de cet homme, ils lui répondirent, telle est la personne qui vivait de l'usure. L'usure est ainsi la quatrième cause parmi les causes du châtiment de la tombe. L'usure qui s'est propagée dans ce bas monde et de laquelle beaucoup de gens n'ont pas été épargnés de nos jours, sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala a préservé. Et avant de parler de la loi juridique de riba, de l'usure et de ses différentes formes et de son atrocité et du châtiment de celui qui l'accomplira, car beaucoup de personnes ignorent ce qu'est l'usure, nous désirerions tout d'abord définir ce qu'est l'usure al-riba, et ce, en appliquant le hadith de Hudayfah ibn al-Yamani radiallahu anhu, qui nous dit, les gens questionnaient le messager d'Allah alayhi salatu wassalam quant au bien, moi je le questionnais quant au mal de peur d'y tomber. Et comme nous dit le poète, j'ai eu connaissance du mal, non pour l'accomplir mais pour m'en protéger. Et certes, quiconque ne distingue pas le mal du bien ne risque que d'y tomber. Mes chers frères et sœurs, la définition de l'usure dans la langue arabe est l'accroissement et la hausse. Et c'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala nous dit « وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ » Et Allah fait fructifier les aumônes. Et l'usure, al-riba, signifie également l'augmentation de volume. Comme dans le verset où Allah Jalla wa Ala nous dit « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. Et parmi ces merveilles, c'est que tu vois la terre humiliée. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ. Puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, اِهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Elle se soulève et augmente de volume. Quant à la définition dans la législation musulmane, l'usure al-riba, c'est l'augmentation d'une chose en particulier, c'est le développement et l'accroissement de l'argent sans contrepartie pour le bénéfice du vendeur ou de l'acheteur. Et l'usure, les savants l'ont divisé en deux parties. L'usure différentielle, riba ul fadl, et l'usure de paiement différé, riba ul nasi'a. Alors qu'est-ce que l'usure différentielle? Ce genre d'usure agit dans certaines ventes et concerne certains genres de produits, ceux dont les gens malheureusement ignorent qu'ils puissent subir l'usure différentielle, et que le prophète alayhi salatu wassalam a cité dans des hadiths rapportés par l'imam muslim, selon Ubadah ibn Samit radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, équivalent contre équivalent, égal contre égal, et de main en main. Et si les catégories sont différentes, alors vendez comme vous le désirez si la vente est effectuée de main en main. Et dans la version de Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, celui qui hausse le poids ou qui demande la hausse du poids, cela aboutira à l'usure. Il est ainsi interdit, ayyuha al-ikhwa, de vendre de l'or contre de l'or, ayant un poids différent. Et il est interdit d'acheter de l'or avec un paiement différé. Alors si tu veux payer de l'or, tu peux payer sa valeur au moment de la vente. Et ce, avant que l'acheteur et le vendeur ne se séparent. Et sinon, ne l'achète pas, car sinon tu tomberas dans l'usure du paiement différé. Cela signifie que si tu désires acheter de l'or avec de l'or, il faut qu'ils aient les deux le même poids. Sinon, tu commettras l'usure différentielle. Et il incombe également que ce soit de main en main, c'est-à-dire sur place, car si tu prends le produit et que tu payes un peu plus tard, tu commettras l'usure de paiement différé. Ainsi, toutes les catégories que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a citées dans le hadith de Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, à savoir l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et le sel, il ne faut pas qu'elles soient vendues contre quelque chose de la même catégorie, sauf si le poids est le même et si la vente est effectuée de main en main. Et dans le cas contraire, ceci sera de l'usure. Et les savants ont effectué le raisonnement analogique pour ajouter d'autres produits qui ressemblent aux quatre dernières catégories citées dans le hadith. Ils ont alors ajouté tout produit qui constitue une nourriture et qui peut se peser. Donc si la vente concerne une chose qui est une nourriture et que celle-ci se pèse, il faut la vendre au même poids ou à la même quantité et de main en main. C'est-à-dire que l'échange doit se faire au lieu de vente et non différé. Ainsi, mes chers frères et sœurs, il y a deux catégories d'usure dans lesquelles il ne faut surtout pas tomber. La première catégorie, riba ul fadl, l'usure différentielle. La preuve en est ce qui est rapporté dans les recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Selon Abi Sa'id et selon Abi Hurayrat radiallahu anhuma, que l'homme que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nomma comme gouverneur de Khaybar, lui apporta des dattes de bonne qualité. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam le questionna et lui dit, « Toutes les dattes de Khaybar sont-elles pareilles à celles-ci ? » Alors l'homme lui dit, « Non, y wallah ya Rasulallah. » Car nous prenons une mesure de capacité de celle-ci contre deux, et deux contre trois. Et alors le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui dit, n'agis pas comme cela. Vends les dattes mélangées de bonne et de mauvaise qualité contre de l'argent, et ensuite achète des dattes de bonne qualité avec cet argent. C'est-à-dire que cette personne échangeait deux mesures précises de dattes mélangées de bonne et de mauvaise qualité contre une mesure précise de date de bonne qualité. Et elle pensait que ceci était normal. Et le prophète alayhi salatu wasalam lui a interdit de faire ainsi. Mais si ces catégories avaient été différentes, c'est-à-dire si l'homme avait changé de l'or contre de l'argent, ou du blé contre de l'orge, ou bien des dattes contre de l'argent, comme lui a conseillé le prophète alayhi salatu wasalam, et si la vente avait été effectuée de main en main sans retard, cette vente aurait été autorisée. Donc la première catégorie d'usure est ce que l'on appelle en arabe riba ul fadl, l'usure différentielle. Le fait de vendre à proportions différentes un produit de même catégorie. Quant à la deuxième catégorie, c'est l'usure de paiement différé, riba ul nasi'a. Et c'est ce que l'on appelle l'usure du retardement. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala nous dit إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Et l'usure de paiement différé, c'est que la vente ne soit pas effectuée de main en main, mais que le paiement soit retardé. Et ainsi, l'échange doit se finaliser dans le lieu de vente. Il reste un cas encore, si les espèces sont de nature différente. C'est-à-dire si on échange de l'or contre de l'argent, ou bien du blé contre de l'orge, par exemple. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à les échanger avec un poids différent, mais à une condition. À condition que cela soit échangé de main en main. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'échange se finalise au lieu de vente et que le vendeur et l'acheteur ne se séparent pas avant qu'ils aient échangé leurs produits. Et sachez, mes chers frères et sœurs, qu'il ne faut jamais rentrer dans le commerce ou dans la vente ou dans l'achat avant de savoir et avant de questionner les gens de science sur ce que l'on veut faire. Sinon, on risque fortement de tomber dans le riba, dans l'usure. Il existe également une autre catégorie de vente qui aboutit à l'usure, que l'on appelle en arabe la vente de l'aïna. Et en voilà un exemple. Une première personne vend quelque chose à une deuxième personne à condition que la deuxième personne la lui paye dans un an. Puis cette deuxième personne, qui est désormais propriétaire de cette chose, revend cette chose à la même première personne, mais à un prix plus bas. Lorsqu'on entend cela, on pense que cela est licite. Mais cela est une chose qui mène à l'usure. Par exemple, je vends une voiture à quelqu'un à 10 000 euros. Et cette personne me la paiera à la fin du mois. Puis, une semaine après, je lui achète la voiture que je viens de lui vendre, de cette même personne, mais je lui achète à 8 000 euros, afin d'avoir sur le champ l'argent. Cela s'appelle la vente de l'ina, que le prophète alayhi salatu wa salam a interdit, comme nous a rapporté l'imam Abu Daoud, selon Ibn Omar radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous effectuez la vente de l'ina, et que vous prenez les queues des vaches, et que vous en acceptez les cultures, tout en délaissant le combat dans le sentier d'Allah, Allah vous envoiera l'humiliation et ne l'enlèvera pas jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et il existe également une autre sorte d'usure. C'est lorsque, par exemple, quelqu'un intercède en la faveur d'une personne, mais prend en échange un cadeau pour cette intercession. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Umam et al-Bahili, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque intercède en la faveur de son frère et accepte un présent, c'est-à-dire un cadeau, de la part de ce frère, est tombé dans une horrible sorte d'usure. Alors qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est le fait que quelqu'un intercède en la faveur de quelqu'un, afin de lui trouver un travail par exemple, ou pour lui annuler une dette. Et entre parenthèses, l'intercession est un acte comblé d'éloge, et peut même être obligatoire. Allah nous dit, quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part. Donc elle peut être obligatoire, à condition qu'elle ne soit pas effectuée pour éviter un châtiment, ou pour éviter une peine légale d'Allah. Ou par exemple également l'intercession en la faveur d'un criminel, ou pour falsifier une vérité, ou pour déclarer vrai quelque chose de faux. Toutes ces intercessions sont interdites. Par contre, pour l'intercession pour annuler et éloigner une injustice sur quelqu'un, ou pour prouver une vérité, ou pour éloigner une dette non méritée, ces intercessions sont autorisées, mais s'il l'effectue contre un cadeau ou un présent, il aura accompli une horrible sorte d'usure. Parmi les usures également, riba ul qard, l'usure de l'emprunt. C'est-à-dire que quelqu'un emprunte une somme d'argent à une personne à condition qu'il la lui rende plus que la somme d'argent que cette personne lui a prêtée. Et alors c'est pourquoi les intérêts bancaires sont une sorte d'usure. Et c'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que les assemblées de jurisprudence musulmane ont affirmé que ceci est de l'usure claire et évidente. Donc les intérêts que la banque donne aux clients qui y mettent leur argent font partie de l'usure al-riba, et ce sont des gains illicites. Et le fait que cela soit propagé ne signifie pas que ceci est autorisé illicite. Allah nous dit « Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka 'an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa innahum illa yakhrusun » Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Alors telle est ainsi la définition de l'usure, mes chers frères et sœurs, et de ses quelques catégories quant à sa loi juridique et quant à sa punition. Alors sachez, mes chers frères et sœurs, sachez que l'usure al-riba est illicite, et ce, est prouvé par les preuves du Coran, de la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam, et du consensus des savants. C'est ainsi un grand péché considéré parmi les péchés capitaux. Allah Jalla wa Ala nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu, la ta'kulu al-riba adhafan mudha'afa, wattaqu allaha la'allakum tuflihun, wattaqu an-nara allati u'iddat lil-kafirin, wa ati'u allaha wal-rasoola la'allakum turhamun. Ô vous les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissiez, et craignez le feu qui est destiné aux mécréants, et obéissez à Allah et aux messagers, afin que vous bénéficiez de sa miséricorde. L'imam al-Bukhari et l'imam muslim rapportent selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, évitez les sept destructrices, c'est-à-dire les sept péchés capitaux. Et il a cité parmi elles al-riba, l'usure. Donc l'usure, ayyuha l'ikhwa, constitue une perdition et représente une destruction pour celui qui la commet dans le monde d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et c'est certes une guerre qu'il déclare contre Allah et son messager. « Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqu Allah wa daru ma baqiya min al-riba, in kuntum mu'minin. » Ô vous les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Renoncez et abandonnez et éloignez-vous de ce qui reste de l'intérêt usuraire. In kuntum mu'minin. Si vous êtes croyants, si vous croyez véridiquement en Allah et si votre foi est devenue complète dans votre cœur et si vous redoutez véritablement Allah Jalla wa Ala. Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqu Allah wa daru ma baqiya min al-riba. In kuntum mu'minin. Ô vous les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire. Si vous êtes croyants, fa in lam taf'alu, et si vous ne le faites pas, fa'danu biharbin min Allah wa rasulih, et si vous ne le faites pas, fa'danu biharbin min Allah wa rasulih, recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit dans l'explication de ce verset que le jour du jugement, on s'adressa à celui qui a mangé de l'usure et on lui dira: prends ton arme pour te battre contre Allah. Et wallah, est-ce qu'il y a parmi ceux qui ont déclaré la guerre à Allah et à son prophète des gens qui ont vaincu Allah? Quiconque déclare la guerre contre Allah et son messager sera vraiment perdant et sera vraiment châtié. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, et si vous ne le faites pas, recevez alors l'annonce d'une guerre contre Allah et de son messager. وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, et si vous vous repentez, alors vous aurez vos capitaux et vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, et à celui qui est dans la gêne, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. C'est-à-dire, si celui qui vous a emprunté de l'argent est dans la gêne et rencontre des difficultés et qu'il ne pouvait pas rendre l'argent à la date précise, là, il est obligatoire de lui accorder un autre délai. Et ainsi, tu patienteras. Puis Allah Jalla wa Ala nous dit: Wa antasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Et alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Donc quiconque prête de l'argent à quelqu'un, il ne doit pas mettre comme condition de lui rendre plus. Car ceci fait partie de l'usure. Et sachez également qu'il y a de nombreux hadiths qui montrent la récompense de celui qui accorde un sursis à un autre qui est dans la gêne et dans la difficulté de lui rendre l'argent. L'imam Ahmed rapporte, selon Sulayman ibn Buraydah, selon son père, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: quiconque donne un sursis à quelqu'un qui est en difficulté avant le jour où il doit lui rendre l'argent, il aura pour chaque jour la récompense d'une aumône. Et s'il lui donne un sursis après qu'il ait dépassé la date de remboursement, il aura une double récompense d'une aumône. Et l'imam al-Tirmidhi rapporte, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accorde un sursis à une personne en difficulté ou annule sa dette, Allah le mettra le jour du jugement sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'ombre que celle de son trône. Alors pour ce qui concerne ceux qui obligent les intérêts lors des prêts bancaires, comme les banques, mes chers frères et sœurs, ceux-là ce sont les perdants, et ceux-là ce sont les maudits dans le bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et écoutez mes chers frères et sœurs, ces hadiths qui font battre et trembler les cœurs, ces hadiths qui font frissonner la peau de ceux qui les entendent, comme celui rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Hanzala, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: un dirham d'usure mangé par une personne qui le sait est plus grave que 36 actes de fornication. un dirham d'usure. Manger par une personne qui sait que c'est de l'usure est plus grave auprès d'Allah que 36 actes de fornication. Et nous défions toute personne qui nous écoute de nous ramener un seul hadith faible que nous aurions cité sur ce minbar. Et nous l'avons certes dit à plusieurs reprises, ayyuhal ikhwa, à ceux qui prient dans cette mosquée, qu'ils sont entre deux choix. Soit ils se repentissent et se remettent droit à la religion, soit qu'ils ne reviennent pas. Car ces preuves que nous citons, vous ne pouvez pas les entendre dans les autres mosquées. Pourquoi ? Car il existe malheureusement quelques imams dans des mosquées qui commettent eux-mêmes l'usure et qui commettent eux-mêmes les intérêts. Et il y a même des présidents de quelques associations musulmanes qui pensent être une bonne image pour les musulmans alors qu'eux-mêmes achètent en utilisant l'usure. Et comme nous avons dit auparavant, un hadith rapporté par l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Hanbalah, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un dirham d'usure, un seul dirham, mangé par une personne qui le sait, est plus grave que 36 actes de fornication. Un dirham, mangé par une personne qui sait que c'est un dirham provenant de l'usure, est pire auprès d'Allah que 36 actes de fornication. Et pourtant, vous aviez certes entendu lors de discours précédents le châtiment causé par la fornication à zina. Un seul dirham. Fala ilaha illallah. Alors écoutez ce hadith de même, rapporté par l'imam al-Bayhaqi et rapporté par l'imam al-Hakim, qui l'a authentifié selon les conditions de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, et confirmé par Sheikh al-Albani. Selon Ibn Mas'oudi radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'usure est composée de 73 degrés. Celui qui accomplit le plus bas degré d'usure, c'est comme s'il avait commis la fornication avec sa mère. L'usure est composée de 73 degrés. Celui qui accomplit le plus bas degré d'usure, c'est comme s'il avait commis la fornication avec sa mère. Accomplir le plus bas degré d'usure, ayyuhal ikhwa, est auprès d'Allah comparable au fait de commettre la fornication avec sa mère, wal'iyad billah. Alors, ô vous qui mangez de l'usure, ô vous qui profitez des intérêts bancaires, ô vous qui avez déclaré la guerre à Allah et à son messager, alayhi salat wa salam, savez-vous que ce que vous mangez est plus grave auprès d'Allah que de commettre un acte de fornication avec votre mère, wal'iyad billah? Et cela vous plaît-il? Êtes-vous fier et content de cet argent? Êtes-vous fier et content de ces intérêts bancaires? Vous amassez et vous récoltez et vous vous enrichissez. Un seul dirham. Un seul dirham d'usure est plus grave auprès d'Allah que 36 actes de fornication. Êtes-vous honoré et êtes-vous heureux de bénéficier et de récupérer ces intérêts bancaires? Alors que le degré le moins grave d'usure est comparable au fait de commettre la fornication avec sa mère. Ô vous qui travaillez dans les banques, quel que soit votre travail, sachez que vous aidez à commettre ces péchés et sachez que vous aidez à commettre ces transgressions, car vous aidez ces criminels et car vous aidez ces injustes à commettre l'illicite. C'est pourquoi il est formellement interdit de travailler dans ce genre de banque, quel que soit le poste. Et il est également interdit de les construire, ainsi que de les peindre, ou d'y travailler de la plomberie ou de l'électricité, car ceci constitue une aide au péché et à la transgression. Et ceci représente également une aide à la guerre contre Allah et son messager, alayhi salat wa salam. Et Allah a certes dit, ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-unwan, wa taqullaha inna Allah shadid al-iqab. Entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et à la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car certes Allah est sévère en châtiment. Mes chers frères et sœurs, parmi les objectifs de notre noble religion et de sa législation, préserver l'argent et ne pas la gaspiller, faire en sorte que l'argent soit licite, d'où il vient et vers quoi il a été dépensé. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, que l'islam a été dur envers ceux qui transgressent. Savez-vous par exemple qu'il est interdit de transgresser et de prendre l'argent de n'importe quelle personne sans aucun droit, même une personne non musulmane? Et même une personne qui déclare la guerre aux musulmans, il est interdit de manger injustement l'argent des autres. Et parmi les procédés d'utilisation de l'argent des autres sans aucun droit, al-riba, l'usure. Allah nous dit, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Et ne mangez pas mutuellement et illicitement vos biens. Et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de manger une partie des biens des gens injustement, alors que vous savez. Et Allah nous dit également, ô vous les croyants, que l'un d'entre vous ne mange pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Et l'usure a également été interdite par toutes les religions d'auparavant. Allah Jalla wa Ala l'a interdite pour les juifs et pour les chrétiens, mais les juifs l'ont contournée pour pouvoir la commettre. Allah Jalla wa Ala nous dit, c'est à cause des iniquités des juifs que nous leur avons interdit les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi le fait qu'ils obstruaient le sentier d'Allah à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prenaient des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits, mais parce qu'ils mangeaient illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous leur avons préparé un châtiment douloureux. En effet, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens de cette communauté qui tentent et qui essayent de contourner l'usure pour pouvoir en manger les intérêts, et font ainsi de la publicité pour leur société et de la publicité pour leur entreprise et pour leur vente et leur commerce qui se base que sur de l'usure, avec toutes sortes de publicités égarées. Et ce, afin de faire tomber les gens dans leur escroquerie et afin de les faire tomber dans leur piège, car beaucoup de gens sont effectivement tombés dans le piège en pensant que ce sont des sociétés et des banques de bienfaisance, car elles aident à acheter leur maison et car elles aident à acheter leur voiture à l'aide de ces prêts et de ces emprunts bancaires basés sur l'usure, alors qu'en réalité, ceci ne représente qu'une guerre contre Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Et sachez également, ayyuha l'ikhwa, que celui qui utilise l'usure, celui qui le donne, celui qui le prend, tous sont égaux dans l'interdiction, tous sont égaux dans le péché, et tous sont égaux dans la punition et le châtiment d'Allah et Azza wa Jal. Et ceci, wallah, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est certes celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion. Alladhi la yantiqu 'anil hawa, alayhi salat wa salam. L'imam muslim rapporte dans son recueil authentique, qui est le recueil le plus authentique après le Qur'an et celui de l'imam al-Bukhari. Selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, Allah a maudit l'usurier, son agent, son greffier et les deux témoins. Et puis il dit, tous sont égaux. Allah a maudit l'usurier. L'usurier est celui qui bénéficie de l'argent provenant de l'usure. Allah a maudit l'usurier, son agent. Son agent est celui qui lui donne l'argent provenant de l'usure. Lui, il est également maudit par Allah, car il aide à faire le péché et car il aide à faire la transgression, comme ceux qui réclament les prêts bancaires afin d'acheter les maisons. Ils sont ainsi tous maudits par Allah et son prophète, alayhi salat wa salam. Et quiconque est maudit par Allah sera certes éloigné de la miséricorde d'Allah. Et soyez attentifs, car en vérité, l'agent est perdant dans l'usure, car c'est lui qui donne l'argent. Mais malgré cela, le prophète, alayhi salat wa salam, et Allah, jalla wa ala, l'ont maudit. Allah a maudit l'usurier, son agent, son greffier, et le greffier également, celui qui écrit cet acte, est également maudit. Ainsi que les deux témoins sont tous ainsi maudits par Allah et le messager d'Allah, alayhi salat wa salam. Puis le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit, et tous sont égaux. Ainsi, ils sont tous égaux dans le péché, et ils sont tous égaux dans ce crime, ainsi que dans la punition, et ainsi que dans le châtiment réservé par Allah et Azza wa Jal. Et cela, car c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu 'anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion qu'il l'a dit. Et ce hadith est ainsi une preuve claire et évidente quant à l'interdiction de bénéficier des intérêts bancaires, et donc d'effectuer des emprunts bancaires. Et nous affirmons cela, car beaucoup de gens, malheureusement, de nos jours, parmi ceux qui ont effectué ces prêts bancaires afin d'acheter leur maison par exemple, ont suivi un avis de quelques savants d'aujourd'hui. Mais cet avis est faux, un avis qui ne se base sur rien. Et nous souhaiterions, bi'idhnillah, répondre d'une réponse construite et objective, et non pas d'une réponse acharnée et brutale, afin que l'on sache sur quoi ils se sont basés. Ces savants se sont basés sur une loi juridique donnée par l'école de l'imam Abu Hanifa, qui dit et qui affirme qu'il est autorisé de faire une transaction illicite avec ceux qui combattent l'islam ou dans un pays qui combat l'islam. Alors selon leur avis, il est autorisé de commettre l'usure, et il est autorisé de vendre de l'alcool, et de vendre de la viande non halal, et de vendre du porc, et également que les nécessités deviennent des besoins pour autoriser ce qui est interdit. Mais mes chers frères et sœurs, ceci est faux et il ne se base sur rien. Car premièrement, ils contredisent l'avis de la plupart des savants. Un avis qui affirme que l'usure est interdite, et ce, à n'importe quelle époque, et même avec celui qui combat l'islam. Et il est donc prioritairement interdit avec celui à qui on a promis de protéger, et avec celui qui vit dans un pays non musulman et étant lui-même non musulman. Deuxièmement, leur avis va à l'encontre d'une preuve évidente et de textes évidents, et tout avis allant à l'encontre d'une preuve évidente est un avis faux et rejeté. Et enfin, troisièmement, dans l'hypothèse que leurs paroles soient véridiques, certes ceux avec qui l'on vit dans notre pays ne sont pas des gens qui combattent l'islam. Eh bien au contraire, ce sont des gens avec qui on a des engagements. Nous vivons chez eux, et nous achetons, et nous vendons avec eux, et nous nous soignons chez eux, et nous nous marions avec eux. Alors comment pourraient-ils être nos ennemis, subhanallah ? Donc cet avis est bel et bien rejeté. Mais malheureusement, quelques savants d'aujourd'hui ont suivi cet avis. Et puis les gens qui avaient une foi faible, et les gens qui laissent la priorité à leurs envies, à leurs passions, et à ceux qu'ils désirent, au lieu de la laisser aux preuves de la législation, ces gens-là ont pris de cet avis l'autorisation de ces transactions bancaires, qui ne sont que des transactions d'usure, et ils se sont ainsi basés sur le hadith de Makhoul qui dit « Il n'y a pas d'usure dans un pays qui combat l'islam entre ses habitants et les musulmans. » Mais mes chers frères et sœurs, ce hadith est faible et faux, car l'imam Az-Zaylaï a dit dans son livre Nisb al-Rayah que c'est un hadith qui n'a aucune origine. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit que ce hadith n'était pas une preuve et qu'il était faible et rejeté. Et l'imam Ibn Qudama a dit que ce hadith était mursal, c'est-à-dire da'if, faible, et qu'il n'était point une preuve. Donc, ayyuhal ikhwa, nous concluons qu'il est interdit de pratiquer ces transactions d'usure partout, et même entre le musulman et le non-musulman, et ceci est l'avis le plus favorable. Alors si quelqu'un nous dit mais le fait de payer le loyer chaque mois est une perte d'argent, n'est-ce pas mieux d'acheter ses maisons avec le prêt bancaire afin d'en devenir propriétaire? Alors nous lui répondons que le musulman sincère et le musulman qui espère et qui souhaite d'être épargné et préservé de l'enfer et du châtiment d'Allah Azza wa Jal, et le musulman qui croit véritablement en Allah et au jour dernier se doit de mettre en priorité les prescriptions d'Allah avant ses envies et ses passions. Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est certes égaré d'un égarement évident. Et si tu nous dis que payer le loyer est une perte, alors nous te disons que ceci est faux, car certes tu profites de beaucoup de choses. Lorsque tu payes un loyer, tu protèges dans cette maison ce que tu loues, ainsi que ta famille, ainsi que ton argent, ainsi que toi-même. C'est comme si tu avais besoin d'une voiture et que tu en aies loué une. Est-ce que quelqu'un peut dire que payer cette location est une perte? Non, car cette voiture aurait été utile pour toi, et ainsi que le logement, c'est la même chose. Et la vraie perte, ayyuha al-akh, c'est avec ceux qui achètent ces maisons avec ces prêts bancaires, car ils leur font payer des intérêts chaque mois, ou bien à chaque partie d'argent rendu à cette banque, jusqu'à ce que le prix de cette maison devienne ainsi le double, et ceci sans exagération, et sans prendre en considération ce grand péché qu'ils ont commis, en déclarant la guerre à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et wallah, nous n'avons jamais vu une personne qui a acheté ses maisons avec ses prêts, ou qui a utilisé ses transactions, sans qu'Allah Azza wa Jal ne les punit dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et c'est pour cela que l'on remarque que ces maisons ne renferment qu'une vie rude et dure, qu'une vie pleine de disputes entre le couple qui y vit, avec tout cela pleine de désobéissance et de non-respect des enfants envers les parents. Et subhanallah, on se demande comment une personne normale, raisonnable, peut faire entrer sa famille et ses enfants qui sont son propre sang sous le toit de cette maison qui a comme base l'usure et les intérêts. Allah Jalla wa Ala nous dit أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Lequel est le plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah? Ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croule avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah certes ne guide pas les injustes, et la construction qu'ils ont édifiée sera certes toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est certes omniscient et sage. Et tout cela du fait de la malédiction d'Allah Jalla wa Ala sur cette maison et sur ses habitants. Allah a maudit l'usurier, son agent, son greffier et le deux témoins, et tous sont égaux. Mes chers frères et sœurs, éloignez-vous de l'usure al-riba de la même distance que celle qui sépare les cieux et la terre, et craignez ainsi de tomber dans l'usure, et protégez-vous ainsi que votre famille de cela, car les conséquences sont certes graves, et car le châtiment et la punition sont certes terribles et douloureux, et car la honte est immense et considérable dans le monde ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Je demande à Allah, Jalla wa Ala, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous accorde une richesse licite, et qu'il nous éloigne de ce qui est illicite, et qu'il purifie les musulmans de l'usure. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wahdah. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المسلمون أو vous les musulmans, dès à présent vous connaissez la définition de l'usure al-riba et de ses quelques catégories, ainsi que de la punition de celui qui la commet. Et ce qui nous rend triste encore une fois, c'est d'entendre toujours et encore ceux qui sont malades du cœur et ceux qui prétendent que l'économie du pays ne peut se baser que sur l'usure. Et ils osent donner comme exemple les pays occidentaux. Et ils nous disent, regardez les pays occidentaux, ils utilisent l'usure, ils ont augmenté leur économie. Mais sachez que le mal, al-batil, et le faux, même s'il se propage, viendra le jour où Allah Jalla wa Ala les fera disparaître. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, « Bal naqdifu bil haqqi ala al-batil » Et bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et voilà qu'il disparaît. Et malheur à vous pour ceux que vous attribuez injustement à Allah. Donc l'usure al-riba est une guerre contre Allah, et est une cause pour que le pays et le peuple soient détruits. Et wallahi, tout pays qui se construit sur l'usure al-riba sera ruiné et dévasté. Écoutez ce que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, comme il fut rapporté par l'imam Abu Ya'la, avec une chaîne de transmission jugée bonne par Sheikh al-Albani, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le peuple dans lequel s'est propagée la fornication et l'usure a autorisé pour lui-même le châtiment d'Allah azza wa jalla. Le peuple dans lequel s'est propagée la fornication et l'usure a autorisé pour lui-même le châtiment d'Allah Azza wa Jal. La punition de l'usure est très grave, ayyuha l'ikhwa, car certes l'usure est anéantie, car certes al-riba est détruit et est éliminé. Et par qui? Par Allah Jalla Jalalu. Allah nous dit, يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَا. Allah anéantit l'intérêt usuraire, وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, et il fait fructifier les aumônes. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Et Allah n'aime pas les mécréants pécheurs. C'est pourquoi tout prêt bancaire est anéanti, et tout commerce usuraire est anéanti, et toute maison achetée avec usure est anéantie. L'imam Ibn Majah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque commet de plus en plus d'usure, son capital ne fera que décroître. Son capital ne fera que décroître. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, que l'usure al-riba fait partie des signes de l'approche du jour du jugement, comme l'imam al-Tabarani a rapporté avec une chaîne de transmission bonne, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, juste avant le jour du jugement, la fornication, l'usure et l'alcool se propageront. Juste avant le jour du jugement, la fornication, l'usure et l'alcool se propageront. Alors que ceux qui désirent construire leur société et leurs projets en se basant sur l'usure, sachent en vérité et sachent avec certitude que certes leur commerce et leur société seront anéantis et détruites, et que leurs fatigues et leurs efforts seront réduits en poussières éparpillées. Car la promesse du prophète alayhi salatu wassalam, et car tout ce qu'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam à propos de cela est véridique, et certes aura lieu. Et sachez également que les usuriers de cette communauté, Allah Jalla wa Ala les transformera par sa puissance en singes et en porcs. Et cette transformation se fera soit au niveau du corps, soit au niveau du cœur, soit au niveau du comportement. Et tout cela à cause du fait d'avoir mangé de l'usure. Et tout cela à cause du fait d'avoir utilisé des transactions usuraires. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, avec une chaîne de transmission jugée bonne par Sheikh al-Albani, selon Ubadat ibn Samit radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Walladhi nafsi biyadih » Par celui qui tient mon âme dans sa main, il y aura des gens qui passeront une nuit dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans l'amusement et dans la distraction, et qui le matin seront transformés en singes et en porcs. Pourquoi cela? Car ils auront rendu licite l'illicite, et écouté le chant des chanteuses, et consommé les boissons alcoolisées, et commis l'usure, et porté de la soie. Pourquoi? Pourquoi seront-ils transformés en singes et en porcs? Car ils auront rendu licite l'illicite. Et car ils auront écouté le chant des chanteuses, et consommé les boissons alcoolisées, et commis l'usure, et porté de la soie. Mes chers frères et sœurs, voilà pour ce qui concerne la loi juridique, et la punition de l'usure et riba dans ce bas monde. Quant à la punition et au châtiment dans la demeure dernière, celui-ci débutera dès la mort, comme vous avez entendu. Celui qui aura commis l'usure et riba se retrouvera dans un fleuve de sang, rempli d'impureté, et il y nagera à l'intérieur, et il ne pourra pas en sortir. Et à chaque fois qu'il tentera d'en sortir, il ouvrira sa bouche et on lui lancera des pierres dans sa bouche. Imaginez-vous, ayyuha l'ikhwa, nous ne sommes même pas capables de manger ou d'avaler du pain dur sans le mâcher. Car certes, il nous déchirerait notre bouche, puis notre gorge, puis notre estomac. Alors qu'en est-il, ayyuha l'ikhwa? Et que pensez-vous de celui qui mangera des pierres, wal'ayyadu billah? Un immense châtiment de la part d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a affirmé que le plus grand châtiment qu'Allah a destiné et réservé à ses serviteurs, après celui de l'associateur al-Mushrik, est celui qui a commis l'usure dans ce bas monde et qui a fait des transactions usuraires. Quant à ce qu'il en est du châtiment du jour du jugement, alors écoutez ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre sacré. Allah nous dit « Alladhina ya'kuluna al-riba » لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront debout le jour du jugement que comme se tient celui dont le toucher de Shaytan a bouleversé. C'est-à-dire que celui qui pratique l'usure ou les prêts bancaires, lorsqu'il désirera se lever de sa tombe après un long et un très long châtiment dans sa tombe, se lèvera-t-elle celui qui a été bouleversé par le toucher de Shaytan et le toucher des djinns, et ceci bien après le souffle de la trompe. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit dans l'explication de ce verset, quiconque pratique l'usure sera ressuscité de sa tombe tel un fou étranglé. Un fou étranglé. Et certains prédécesseurs ont dit de même que ceux qui mangent l'usure auront des ventres le jour du jugement tels les ventres des femmes enceintes, et les gens marcheront sur leurs ventres et ils seront distingués le jour du jugement. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Ceux qui pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiendront debout le jour du jugement que comme se tient celui dont le toucher de Shaytan a bouleversé. ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. Et ceci, c'est parce qu'ils ont dit, certes le commerce est identique à l'usure. Car ils disaient que l'usure constituait des gains et que c'était également dans le commerce. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. Et ceci, c'est parce qu'ils ont dit, certes le commerce est identique à l'usure. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Tandis qu'Allah a autorisé le commerce et a interdit l'usure. فَمَنْ جَاءَهُ مَعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Celui donc qui cesse, dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, pourra conserver ce qu'il a acquis auparavant. Alors, ayyuha l'ikhwa, quiconque aura entendu ce discours par n'importe quel moyen, directement, ou par l'intermédiaire d'une cassette ou d'un CD, ou par n'importe quel moyen, et dans n'importe quel endroit sur terre, et qui cesse de commettre l'usure et qui se repent à Allah sincèrement pourra alors conserver ce qu'il a acquis auparavant. Et Allah lui pardonnera. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prêché les gens lorsqu'il a reconquéri Mecca et qu'il a dit: tout intérêt usuraire d'avant l'islam, c'est-à-dire pendant le jahiliya, est sous mes pieds, et le premier intérêt avec lequel je commence, c'est l'intérêt de mon oncle Al-Abbas. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exobération de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et quiconque récidive, c'est-à-dire quiconque revient au péché de l'usure, alors ce sont eux les gens du feu, et ils y demeureront éternellement. Alors si quelqu'un nous demande, comment peut-il demeurer éternellement en enfer, alors qu'il demeure tout de même monothéiste? Parmi les lois du dogme et de la croyance, de Ahli Sunnati wal Jama'a, le monothéiste ne demeure pas éternellement en enfer. Alors la réponse est que les savants ont deux paroles. Soit c'est parce qu'après avoir écouté l'exobération de son Seigneur, il reviendra dire que l'usure est licite et autorisée, et alors il aura rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite, et donc mourra apostasié de sa religion, et ainsi demeurera éternellement en enfer. Ou soit c'est parce qu'après avoir écouté l'exobération de son Seigneur, il retournera à commettre l'usure, et telle sera une cause pour qu'Allah Jalla wa Ala égare et dévie son cœur vers l'association ou la mécréance, et pour qu'il meure sur cette mécréance, et ainsi il demeurera éternellement en enfer. Donc l'usure, ayyuha l'ikhwa, est un chemin, est une voie qui mène vers le feu éternel, car c'est une cause de la déviation des cœurs. Mes chers frères et sœurs, éloignez-vous de l'usure, et préservez et protégez votre argent de ces banques. Et nous savons certes que ce sont les nécessités qui ont poussé les gens à mettre leur argent dans les banques. Mais sachez que les savants ont autorisé cela, à condition que le compte ne rajoute pas d'intérêt. Mais pensez ainsi à le mettre dans un compte qui ne vous rajoute rien. Et pour ceux qui ont déjà des comptes qui leur donnent des intérêts bancaires, non seulement il ne faut pas de ces intérêts, mais en plus il faut obligatoirement changer de compte afin de s'éloigner de l'usure de la même distance que les cieux et la terre. Alors quiconque a déjà acheté une maison ou un commerce ou une voiture avec ses emprunts bancaires, alors qu'il se précipite à vendre cela s'il le peut afin de s'en éloigner, lui et sa famille, de cet argent anéanti et de cette guerre contre Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Donc si vraiment il craint son Seigneur et le jour du jugement, il doit le vendre, et s'il ne le peut pas, alors il lui incombe de se repentir et d'implorer le pardon d'Allah et de réitérer le repentir à plusieurs reprises, ainsi que de donner beaucoup d'aumônes. Je demande à Allah Jalla wa Ala, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il me guide ainsi que vous vers la vérité, sans craindre le blâme d'aucun blâmeur. Fallahumma inni qad ballagt. Fallahumma fashhad ya rabbal alamin. Oh Allah, j'ai certes transmis, sois donc témoin au toi le Seigneur de l'univers. Oh Allah, nous avons certes transmis, sois donc témoin au toi le Seigneur de l'univers. Oh Allah, nous avons certes transmis, sois donc témoin au toi le Seigneur de l'univers. Oh Allah, fais que ce discours soit un argument pour quiconque l'écoute, et fais que ce discours soit une cause pour que les musulmans cessent de tomber dans l'intérêt usuraire. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers,